c'est pour toi que je joue. Grand-père, c'est pour toi. Tous les autres m'écoutent, mais toi tu m'entends. On est du même bois, on est du même sang. Et je porte ton nom, et tu es un peu moi. Exilé de Corfou et de Constantinople, Ulysse qui jamais ne revint sur ses pas. Je suis de ton pays, mais tel que comme toi, un enfant de l'enfant que te fit Pénélope. Tu étais déjà vieux quand je venais de naître, arrivé juste à temps pour prendre le relais. Et je finirai bien un jour par ressembler à la photo où tu as posé un ancêtre. C'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi que je glisse mes doigts le long de mes six cordes pour réveiller un air tranquille et monocorde. C'est tout ce que je sais faire de mes dix doigts. Maître en oisiveté, expert en braconnage, comme toi j'ai vécu à l'ombre des bateaux. Et pour faire un festin, je volais les oiseaux que le vent de la mer me ramenait du large. Comme toi j'ai couru les filles et les rêves, buvant à chaque source que je rencontrais, mais sans être jamais vraiment désaltéré, sans jamais être là de répandre ma sève. C'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi, pour remettre au présent tout ce qui est passé depuis que je ne parle plus que le français. Et j'écris des chansons que tu ne comprends pas. C'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi. Tous les autres m'entourent, mais toi tu m'attends, même si tu es loin dans l'espace et le temps. Quand il faudra mourir, on se retrouvera.